J'appris peu à peu tout ce que je venais de dire dans les entretiens qui suivirent notre union et qui seuls la rendirent délicieuse. Elle avait eu raison d'espérer que sa complaisance me serait utile. J'en tirai pour mon instruction de grands avantages. Elle m'avait jusqu'alors parlé de moi seul, comme à un enfant. Elle commença de me traiter en homme et me parla d'elle. Tout ce qu'elle me disait m'était si intéressant, je m'en sentais si touché que, me repliant sur moi-même, j'appliquais à mon profit ses confidences plus que je n'avais fait ses leçons. Quand on sent vraiment que le cœur parle, le nôtre s'ouvre pour recevoir ses épanchements. Et jamais toute la morale d'un pédagogue ne vaudra le bavardage affectueux et tendre d'une femme sensée pour qui l'on a de l'attachement.